quoi alors? Essaye de me suivre. C'est chelou. Tu m'entends? Tu m'entends ou pas? Vas-y, mets bien le métronome, quoi. Essaye de bien suivre le Bah ouais, métronome. mais tu m'entends ou pas? Et regarde, si tu as bien réglé ta latence aussi. Ouais, j'ai de la latence, mais c'est pas grave, ça c'est. Normalement, il doit corriger ça, non? Ah ouais, waouh! C'était décalage qu'il y a! Waouh! Pire qu'un Samniac! Ouais, je t'entends, mais n'oublie pas qu'il y a un décalage de 16 temps là. En fait, la latence que tu as sur ton PC, ce qui corrige ici, c'est la latence qu'il y a sur Internet. Ok, vas-y, c'est parti. Attends, désolé, mais je t'entends plus fort que moi en fait. Attends, j'ai baissé le son. Ouais, c'est bon. Ouais. Je sais pas si ça passe. Est-ce que c'est dans le temps chez toi? Ouais, c'est dans le temps, mais ouais, il faut. J'avais un peu du mal à suivre le tempo, mais ouais, c'est bon, c'est si, c'est bon, c'est ça, c'est propre, hein. C'est sympa. Tu peux enregistrer et tout. On peut augmenter les BPM si tu veux. Si tu veux que ce soit plus rapide ou plus lent. Plus lent. Mais plus lent. Plus lent, tu veux? Il faudrait voter. Tu écris ce que j'écris. Ah, c'est bon, attends, j'ai pas besoin d'écrire, ça a marché. Attends, je vais tester. Ah, c'est bon. J'ai mal au poignet. Si, si. T'as enregistré ou pas? On peut enregistrer ou pas? Hein, gros? C'est enregistré ou pas? Ça enregistre sur. Ouais, on peut enregistrer, tu. Ouais. Tu peux enregistrer dans les options. Et aussi, tu peux récupérer ça sur Ningbot. Je te passe le site. Je te passe le site. Tous les sons que tu vas jouer ici, tu vas pouvoir les récupérer sur ce site-là. Tu peux m'envoyer le lien de ce qu'on a fait, Stom? Ah mais je fais comment pour avoir le son? Après, tu vas dans Player une fois que tu es sur le site, mais le son il se met pas tout de suite, il se met dans 1 heure voire quelques heures. Comment Et ça? pour le télécharger, je crois qu'il y a un moyen, mais faudra que tu regardes ça. Et par exemple, tu tapes en bas, il y a un petit truc de recherche là en dessous de Player, tu tapes par exemple solide et il te sort tous les sons où Attends, tu as joué. je vois pas là. Moi, je suis sur un truc, j'ai cliqué sur player, bah ouais, Bon, ben là, flash il faut player. attendre. Ah non, player en haut. Ok. Donc, player. Ok, donc, je tape solide. Ok. Il n'y a pas, je crois. Je suis pas Voilà, ouais, sûr player. après. Non, il n'y est pas encore. Il faut quelques heures avant qu'il apparaisse. Enfin, 1 heure ou plus. Ok. J'essaie d'y penser. Il apparaît pas direct, C'est ça. enregistré. Sur Insomniac ou quoi, gros? Moi je vais bouger là, au pire. On se refera ça propre. Hein.